Chapitre 18e. Scaramouche, heureusement pour son avarice, n'était jamais malade. Il atteignit l'âge de 87 ans sans avoir dû payer un seul mémoire de médecin ou d'apothicaire. Cependant, il eut une fois besoin d'un de ces remèdes insinuatifs, préparatifs et émollients dont Argan débat si vivement le prix en épluchant la note de M. Fleurant. Quant à marchander, Scaramouche aurait rendu des points à Argan lui-même. Aussi finit-il, après une heure de discussion, par obtenir ledit remède moyennant 30 sous. Pendant que l'apothicaire, agenouillé, s'acquittait gravement de son office, Scaramouche lui cria tout à coup de s'arrêter. L'apothicaire obéit, craignant d'avoir brûlé son client. Mais celui-ci, mettant ses lunettes, « Faites voir. Combien il en reste ?»« Fort bien. J'ai pris la moitié de la chose. Je sens que cela suffira pour me remettre. Voici 15 sous. » Vous revendrez le reste à quelqu'un d'autre. » Peu de temps avant de mourir, Scaramouche fit venir son laquais, qu'il avait nommé Brin d'Avoine et qu'il avait servi de longues années uniquement pour le plaisir de voir ses jeux de physionomie et d'entrer au spectacle sans payer. « Écoute, Brin d'Avoine, lui dit-il d'une voix émue et après l'avoir embrassé tendrement, je reconnais que tu es un brave garçon. Depuis 7 ans que tu es à mon service, tu ne m'as pas demandé un sou de gage. Je veux te récompenser avec usure, afin que tu pries Dieu pour moi, si je viens à mourir bientôt. Cependant, si j'en crois un astrologue qui m'a dit que j'irai jusqu'à 120 ans, j'ai encore quelques 30 ans à vivre. Tu aurais donc, en ce cas, le bonheur de vieillir à mon service sans qu'il t'en coûte un double. Et tu peux aussi être assuré que je ne te parlerai jamais de gage, sachant que cela t'est particulièrement désagréable. Mais du moins, laisse-moi la liberté de récompenser par un cadeau les bons services que tu m'as si loyalement rendus. Voici d'abord un petit sac où j'ai renfermé toutes les scènes que j'ai créées et jouées. Tu y trouveras des chefs-d'œuvre. J'ai le regret de ne pouvoir te laisser en même temps les postures et les grimaces dont je les assaisonnais et sans lesquelles je conviens qu'il te sera difficile d'en tirer quelque partie. Passons à un autre objet qui te sera d'un meilleur rapport. Je t'autorise à prendre dans ma garde-robe mon habit de Scaramouche, lequel est d'un si bon drap qu'après 20 ans de culbute sur le théâtre, il n'a pas la moindre déchirure. Je t'engage à le porter en guise d'habit de deuil lorsque je serai mort, et de le louer ensuite pendant le carnaval, en ayant soin de dire de qui tu le tiens. Sois persuadé que cela te sera d'un grand profit. Enfin, garde en souvenir de moi cette paire de lunettes. Il y a 60 ans qu'elles me servent, et comme elles sont tombées plus de 1000 fois sans se rompre, tu pourras te vanter d'avoir des lunettes doublement immortelles. » À tout ce beau discours, Brin d'Avoine, qui ne savait pas lire, eut bien pu répondre avec l'ignorant de La Fontaine, « Mais le moindre ducaton ferait mieux mon affaire. » Scaramouche conserva jusqu'au dernier moment l'originalité qui avait caractérisé toute son existence. Le jour qu'il devait mourir, raconte son camarade Mezzettine, il demanda pour son dîner une soupe à l'italienne, à savoir un grand plat de vermicelli avec du fromage de parmesan. Son médecin lui avait dit que cela nuirait à sa santé et que s'il voulait se modérer, il pourrait vivre encore plus de 8 jours. « En êtes-vous bien sûr ? » reprit Scaramouche. « Parfaitement sûr, » répondit le médecin. « Eh bien, 8 jours plus ou moins sont une bagatelle pour un homme qui a tant vécu. Et ne valent pas la peine que je me prive d'un bon plat de vermicelli. Qu'on me fasse ma soupe bien ample et qu'on m'aille appeler mon confesseur. » Après qu'il eut conféré quelque temps avec celui à qui il avait confié le soin de son âme, il mangea sa soupe de vermicelli et but encore plus qu'à l'ordinaire. Le soir, il redoubla la dose et mangea d'aussi bon appétit qu'il eût jamais fait. Sur les 2 heures après minuit, voyant qu'il ne pouvait dormir, il fit venir 3 jeunes garçons tapissiers du même logis avec lesquels il joua aux cartes. Quelques moments après, il leur dit « Continuez, mes enfants, divertissez-vous, mais ne me détournez pas dans mes prières. » Pendant 1 quart d'heure, il prononça tout haut plusieurs oraisons qu'il savait par cœur, et lorsqu'il fut à ces paroles du pater « Sicut in cielo et in terra », il jeta un soupir qui fut le dernier de sa vie. Tel est le récit que donne Mezzettine du dernier voyage de Scaramouche. l'aurait. Un des admirateurs du célèbre comédien lui fit cette épitaphe. Là, ce n'est pas dame Isabeau qui gît dessous ce froid tombeau. Ni quelque autre sainte n'y touche, c'est un comique, sans pareil. Comme le ciel n'a qu'un soleil, la terre n'eut qu'un scaramouche. Alors qu'il vivait parmi nous, il eut le don de plaire à tous, mais bien plus aux grands qu'aux gens minces. Et on le nommait en tout lieu le prince des facétieux et le facétieux des princes. Au lieu de quantité de fleurs, sur sa tombe, versant des pleurs, pour moi, tout de bon, j'en soupire. J'en fais tout franchement l'aveu, nous pouvons bien pleurer un peu, celui qui nous faisait tant rire. Ainsi s'achève Les caravanes de Scaramouche d'Emmanuel Gonzalez.